So they came on club. It's the whole egg mom. Yeah, yeah. Egg mom, old carry. Les lascars du canal ce soir sont sortis. J'ai le pot de pêche et la casquette assortie. Un schlass dans mes teams, un gun dans les orties. Reste tranquille, une clique de soldats sauvages, voilà les Yankees. On veut s'éclater comme on sort jamais du quartier. On est 3x4, non accompagné, même déjà claqué. Mes gars sont bois sur des décotes et tarpés. Donc ta frime se fait remarquer pour embarquer les rats. J'suis dans la poêle. Moi et mes gars sur le parquet, on a mis le paquet. Cette bouteille, ils peuvent pas nous rater. Des gars m'ont remarqué, disent qu'ils apprécient mon rap. Et je leur réponds que t'inquiète, que jusque là c'est que la moitié. C'est pop, pas un tordu voulant se taper. Et les ladies bougent leur body non se taper. Tout ça, puis bab, rebé, black. Et yo, fuck VIP, nous on est là pour s'éclater. Hey, on est sorti, l'ambiance est garantie. DJ fait péter le son. C'est pour mes thugs et ladies. Old Carrie, Jackie et Benji. Compte avec nous, on fout le feu toute la nuit. On est sorti, l'ambiance est garantie. DJ fait péter le son. Tous mes lascars sont sortis. Old Carrie, Jackie et Benji. Compte avec nous pour foutre le feu toute la nuit. Et yo, je t'appelle et tu me ship, je sais que tu es belle. Tu fais style devant les copines, je sais que tu aimes. Je n'ai aucune arrière-pensée, je veux juste oser. Installe point vers Lady Hitch, je suis ghosté. Je pense des purs ragots, c'est bordel pendant que je traque. Mes négros burns comme des G.I.J. Puis j'aperçois Jackie et Ben, je suis une club avec mon empire. Jack s'approche de moi en secret et me dit: hey, tout le monde elle connaît la chanson en plus. Si on bien ta conso car tu n'auras pas un verre de plus. On est dead, chacun dans le sang, moi une bouteille. En Marcel sur la piste et vénère la série bouteille. Des verres cassés et du vomi par terre à la table. C'est chaud comme un scar, la peu s'affiche et quand il a la dalle. Sur 15, mais 15 peuvent chercher la même rate. Ta passe de jig amène à Red Rat, CNL Thugs Down. Hey, on est sorti, l'ambiance est garantie. DJ fait péter le son. C'est pour mes thugs et ladies. Old Carrie, Jackie et Benji. Compte avec nous pour foutre le feu toute la nuit. On est sorti, l'ambiance est garantie. DJ fait péter le son. Tous mes lascars sont sortis. Old Carrie, Jackie et Benji. Compte avec nous pour foutre le feu toute la nuit. Pété, on est posé. Les poches pleines de billets. C'est parti, jeune fille, bouge encore. Tout le monde danse, bouge encore. Pété, on est posé. À l'aise, qui peut tester. Un peu fêtard et très loin du monde du showbiz. Cool dans mon ticard, j'ai pas besoin de jouer les OGs. Fuck live, improvise. Tu peux me trouver une club incognito. Peut-être dans l'espoir trouver ma promise. Alors je mise dans mon rap, je veux mon magot. Une nouvelle vague, que Sony à Roland devienne magot. En attendant, je suis sur la piste, je frotte, je glisse. Y'a pas de Zoulou, y'a pas de flic, c'est juste bounce. Hey, on est sorti, l'ambiance est garantie. DJ fait péter le son. C'est pour mes thugs et ladies. Old Carrie, Jackie et Benji. Compte avec nous pour foutre le feu toute la nuit. On est sorti, l'ambiance est garantie. DJ fait péter le son. Tous mes lascars sont sortis. Old Carrie, Jackie et Benji. Compte avec nous pour foutre le feu toute la nuit. Hey, on est sorti, l'ambiance est garantie. DJ fait péter le son. C'est pour mes thug ladies. Old Carrie, Jackie et Benji. Compte avec nous pour foutre le feu toute la nuit. Hey, on est sorti, l'ambiance est garantie. DJ fait péter le son. Tous mes lascars sont sortis. Old Carrie, Jackie et Benji. Compte avec nous pour foutre le feu toute la nuit.